chargelle, menu de pierre grise, scintillant demi-jour. Une goutte de temps, une goutte de miel qui danse sous la brise. Légère et sans atour, pureté de fragments. Et le ciel peut bien rire. Et le vaste océan. Et les hommes détruire de leurs pas nonchalants. Qu'importe à l'éternel, qu'importe. Au bain, au bain, la margelle, et qu'importe, j'entends froisser le tire-d'aile, et qu'importe, j'entends.